proclamer son royaume. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour marcher dans l'assurance. Pour témoigner Jésus. Et proclamer son royaume.